Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Marga d'Endurin, la comtesse qui voulait voir la Mecque. En 1946, une femme élégante de 53 ans, inculpée pour meurtre, fait la une des journaux. Espionne et agent double, la marquise d'Endurin est-elle aussi empoisonneuse ? Amazone des sables, Marga d'Endurin, la vicomtesse aux 20 crimes, éclipse la Brinvilliers et Matahari. Si elle est rapidement acquittée pour cette affaire, on le voit bien, Marga d'Endurin, qui n'était ni comtesse, ni vicomtesse, ni marquise, n'en est pas à son premier coup d'éclat. Depuis longtemps, ce qui n'est pas pour lui déplaire, la dame traîne une réputation sulfureuse. Partie en 1925 avec son mari vivre au Proche-Orient, Marga n'est-elle pas une espionne, voire une agent double travaillant pour les Britanniques ? Comment se fait-il que sa vie soit parsemée de morts mystérieuses, notamment celle de son mari en 1936 ? Mais le grand fait d'armes de cette aventurière, son heure de gloire, c'est en 1933 qu'elle l'a vécu, quand sur un coup de tête, elle décida de partir à la Mecque, le haut lieu de l'islam interdit aux non-musulmans. Mais qu'est-ce qui lui a pris ? C'est cet épisode, pour le moins rocambolesque, que je vais raconter ce soir. Marga d'Endurin, une femme qui avait décidé de faire de sa vie un roman d'aventure qui, plus d'une fois, faillit tourner à la tragédie. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Julie d'Endurin, bonsoir. Bonsoir Stéphanie Duncan, merci de votre invitation. Vous êtes historienne, professeure à l'université de Lorraine, Metz, et vous êtes aussi, on entend votre nom, vous êtes aussi la petite fille de Marga d'Endurin, et c'est d'ailleurs à votre grand-mère que vous avez consacré votre mémoire de maîtrise, et c'était il y a quelques années. Marga d'Endurin est morte en 1948, dans des circonstances tragiques, on y reviendra en fin d'émission. Vous, évidemment, vous ne l'avez pas connue. Alors, est-ce que ce mémoire de maîtrise, c'était un moyen pour vous de faire connaissance avec elle et aussi peut-être de la réhabiliter ? Alors, je n'étais pas dans l'idée de la réhabilitation parce que je pensais qu'elle n'avait pas besoin de moi pour cela et je ne pensais pas que c'était mon travail. Mais je voulais effectivement comprendre qui avait été ma grand-mère parce qu'elle avait vraiment beaucoup occupé ma vie d'enfant sans que je la connaisse. Elle était vraiment... On vous parlait d'elle. Voilà, elle était très présente dans ma vie. Alors, l'histoire que je vais raconter dans un instant commence en 1933, au moment où Marga d'Endurin décide de partir à la découverte de la Mecque, donc cette drôle d'idée. Elle vit alors à Palmyre, c'est en Syrie, elle vit avec son mari. Quelle était sa vie jusqu'alors ? Alors, Marga d'Endurin avait mené une vie que l'on qualifiait à l'époque déjà d'aventurière. C'est-à-dire qu'en réalité, ça voulait dire qu'on ne savait pas très bien qualifier la nature de la vie qui n'était pas fonctionnaire, pas colon, pas bien référencée. En réalité, c'est une famille, Pierre d'Endurin et donc son épouse Marguerite, dite Marga. C'est une famille de rentiers qui se sont appauvris à la faveur de la chute de la rente après la Première Guerre mondiale et qui... À la suite de cette chute de la rente, ont essayé en fait de faire fortune. Alors ils sont partis d'abord en Argentine, ça n'a pas fonctionné. Ils sont partis, ça c'était avant la guerre, ils sont revenus pendant la guerre et puis ensuite le départ en Orient. D'abord en Algérie, puis en Égypte et enfin en Syrie. Un désir d'Orient, un désir d'aventure, une autre vie. Oui, un petit peu à la manière d'Isabelle Eberhardt ou d'autres femmes qui partaient en Orient et qui ont trouvé paradoxalement en Orient une liberté plus grande pour des occidentales d'un certain milieu que celle qu'elles pouvaient trouver en Occident à ce moment-là. La raison, c'est que la femme à cette époque-là en Occident ne pouvait pas travailler ou en tous les cas le travail de la femme d'un certain milieu était plutôt mal vu. Oui, parce qu'elle vient d'un milieu assez privilégié, une famille du Pays Basque assez conservatrice, catholique, où les jeunes filles n'ont d'autre objectif dans la vie que de se marier et faire des enfants. Elle était un peu une rebelle. Alors, en fait, elle est considérée comme rebelle dès sa petite enfance, hein, par rapport à sa sœur. On la compare, en fait, à sa sœur, à ses cousins, cousines. Mais en réalité, bon, le milieu, on le dit conservateur aujourd'hui rétrospectivement, mais c'est le milieu de la province française. Voilà. Et simplement, effectivement, elle n'entre pas dans le cadre qu'on lui assigne, d'entrée de jeu. Pour bien comprendre aussi l'histoire étonnante de cette femme que je vais raconter, il est important, il me semble, de rappeler ce que c'est que le Proche-Orient dans l'entre-deux-guerres. Depuis 1918, l'Empire ottoman a été démantelé et partagé donc en plusieurs zones d'influence entre les Britanniques, c'est cela, et entre les Français. Alors, l'ensemble de l'Empire ottoman a été divisé en mandats, mandat britannique et mandat français. Le mandat français, c'est la Syrie et le Liban qui initialement est inclus dans la Syrie. Et puis, mandat britannique qui est l'Irak, la Palestine. Et l'Égypte est un petit peu à part, hein, un statut à part. Et donc, effectivement, elle arrive en Égypte parce que l'Égypte, c'est un Eldorado pour occidentaux à ce moment-là, dans les années 20. Et alors qu'elle est en Égypte, elle fait tout simplement ce qu'on appelle le tour en Orient. Elle va visiter les villes saintes. Et à l'occasion d'un tour, elle découvre Palmyre. Et elle a un coup de cœur absolu pour la grande colonnade, pour le lieu qui est absolument fantastique et qui, à l'époque, n'est pas connu. Voilà. Donc, c'est un lieu où viennent travailler des archéologues. Alors, pas encore. L'archéologie en Syrie vient de démarrer depuis pas très, très longtemps. C'est en 1920-1921 que le général Gouraud, qui est le premier haut-commissaire, met en place le service archéologique de Syrie. Donc ça vient tout juste de démarrer et il y a vraiment très peu d'archéologues sur place à demeure. Ils sont à Beyrouth ou à Damas et ils viennent la journée ou deux jours à Palmyre. Donc cet hôtel devient une espèce de plaque tournante. C'est un lieu où on veut aller parce que aussi pour voir cette Marga d'Endurin qui est quand même une femme assez avec une personnalité, une femme élégante aussi, assez belle. Enfin, il y a quelque chose qui se crée dans cet endroit. Alors, pas tout de suite quand même. Je crois que la beauté de Palmyre éclipse la beauté de Marga d'Endurin quand même. Je parlais de l'hôtel, oui. Voilà. Après, elle va s'identifier à Palmyre et s'identifier aussi à Zénobie, l'ancienne reine de Palmyre. Elle va s'identifier beaucoup à cette ville et à la représentation qu'on en a dans le monde arabe, à l'idée que c'est une ville de femmes dirigée par des femmes. Enfin, il y a toute une histoire de métempsychose derrière tout ça. Alors, Julie d'Endurin, nous reprendrons cette discussion dans environ 30 minutes, si vous êtes d'accord. Tout de suite, Marga d'Endurin, la comtesse qui voulait voir la Mecque, un texte de Julie Birman, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Baptiste Guiton. Ce cher est magnifique avec son turban, sa robe et son manteau beige. Et il ne doute pas de ma sincérité. Personne ne doute de ma sincérité. À l'appel du muezzin, tu n'iras pas à la mosquée. Mais tu prieras avec les femmes. Tu feras les ablutions et les cinq prières. Al-Fajr, Zohor, Al-Asr, Maghrib et Isha. Sauf en couche et quand tu as tes périodes. Qui t'aura d'impur. Oui, cher. Prosterne-toi et répète après moi. Ashhadu anna la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Je jure qu'il n'y a qu'un Dieu. Je jure qu'il n'y a qu'un Dieu. Que Dieu seul est Dieu. Que Dieu seul est Dieu. Wa anna Muhammad Rasulallah. Wa anna Muhammad Rasulallah. Que Mohamed est l'envoyé de Dieu. Que Mohamed est l'envoyé de Dieu. Je suis près du but. Oh, c'est troublant. Je prends ses apôtres. Je pose mon front contre cette moquette qui gratte et je pense à la bêtise confite de ma mère. Paix à son âme. J'avais quoi, 12 ans, quand elle m'a fait exorciser dans la cathédrale de Bayonne. Le mal m'habite. Comment expliquer sinon mon insolence et ces renvois successifs de 4 internats pour insoumission? Je me suis avancée toute seule. Le prêtre exorciste était là, dans la crypte de la cathédrale, si platement sérieux, et il a brandi sa croix en prononçant « Vade retro Satanas », convaincu de sa mission, le pauvre. S'il me voyait en cet instant invoquer le nom d'Allah. Celle qui vient tout juste de se convertir à la foi musulmane sous le nom de Zeynab est une Française de bonne famille, Marga d'Endurin. Elle a échappé au milieu conservateur, catholique et étouffant qui était le sien à Bayonne en s'installant après la guerre 14-18 de l'autre côté de la Méditerranée. Au Caire d'abord, elle conquiert la haute société expatriée, ajoutant au passage le titre de comtesse à son nom d'épouse. En Syrie, ensuite, elle devient la patronne réputée d'un hôtel désormais célèbre, le Zenobi, au milieu du désert et des ruines antiques de Palmyre. Elle y réside avec son mari, grand amateur de chevaux, qui la laisse mener sa vie à sa guise. Mais le quotidien du désert, après 5 années sans remous, finit par sembler monotone à la comtesse. Il lui faut une nouvelle aventure. L'idée lui vient un beau matin, en ce printemps 1933, en écoutant son cuisinier parler de pèlerinage. Et si elle se rendait aussi à la Mecque ? L'Arabie saoudite est alors un royaume interdit aux infidèles. Elle se voit déjà, la première femme occidentale à accomplir cet exploit. Soleiman, tu vends des chameaux ? Oui, madame, tu en veux ? Regarde celui-là, comme il est beau. Nouaf m'a dit que tu étais d'Arabie saoudite ? Oui, madame, je suis de Moutayr Donaza. C'est très loin, là-bas. Et ma tribu me manque. Pourquoi tu n'y retournes pas ? Il faut de l'argent, madame. Je voudrais aller en Arabie. C'est pas possible, tu es française. Je sais ce qu'on va faire, Soleiman. Tu vas te marier avec moi. Vous, madame ? Avec moi ? Oui, je deviendrai ta femme musulmane, comme ça, j'aurai le droit de voyager. Et ton mari, qu'est-ce qu'il va dire ? Mon mari sera d'accord, il est toujours d'accord. Seulement, tu vas me promettre de te comporter comme un frère avec moi. Tu comprends ? Tu veux dire, nous ne nous ferons pas ce que font mari et femme, c'est ça ? Exactement, Soleiman. Nous resterons chastes et tu vas le jurer devant témoins. Moi, je paye le voyage et je te donnerai le double quand on revient. Tu es d'accord ? C'est une bonne affaire. Je vais réfléchir, madame. Le royaume qui fait vibrer Marga, l'Arabie saoudite, est avant tout un gigantesque désert, dont la principale richesse, en attendant que le pétrole y soit exploité, provient du pèlerinage et de la taxe de 28 livres qu'on doit acquitter pour s'y rendre. Tout bon musulman est tenu de l'accomplir, et ils sont 300 000 par an à tenter l'aventure au péril de leur vie. Mais il suffirait qu'un seul infidèle pénètre dans le périmètre sacré, un seul, pour que le voyage de tous ces pèlerins soit jugé nul et non avenu. On comprend mieux que toute intrusion soit passible de mort. Soleiman, le mariage commence dans 5 minutes. Peux-tu arrêter de fumer ton narguilé ? Tes crachats sont répugnants. C'est comme ça qu'on fume, madame. N'ouvre pas la fenêtre, tu vas me faire attraper la mort. Bon, j'y vais. Tu dois voiler ton visage, Zeynep. Ah, oui, c'est vrai. Et aussi, j'ai réfléchi. Tu vas m'acheter une bouique. Et en quel honneur ? Bah, pour aller en France. D'abord, on va dans ma famille en Arabie. Et après, on ira dans ton château. Pas vraiment, Soleiman. La cérémonie du mariage commence par la négociation du prix de la mariée. Marga Zeynab bataille sec pour faire baisser les enchères. Là aussi, c'est elle qui paye. Et puis, il faut régaler les invités, recrutés dans la rue, de diverses pâtisseries traditionnelles. Je peux quand même t'embrasser, Zeynep. Mais bon, arrête, Soleiman. Bon, allez, viens, la voiture nous attend. Zeynep, goûte un peu ce baklava. Il est encore meilleur que le cigare au miel. Laisse-moi tranquille, Soleiman. J'ai rendez-vous avec mon fils, là. Ça y est, musulmane et mariée. Rien ne s'oppose plus au voyage de Marga d'Endurin en Arabie saoudite. Mais avant de s'élancer vers l'inconnu, elle veut embrasser son plus jeune fils, étudiant à Beyrouth. Elle doit le retrouver au grand café de la rue Gouraud et s'y rend, dissimulée sous une longue robe et un hijab. C'est étrange de traverser cette terrasse que je connais si bien, le visage dissimulé sous mon voile. Oh, mon Jacques est déjà là. Il me regarde et mon cœur bêtement s'accélère. Mais non, il ne peut pas deviner que c'est moi, sa mère, sous mon déguisement. Respire, Marga, respire. Tu es ici, dans le quartier français, et une femme seule, même voilée, a le droit d'entrer dans un restaurant. Ouf, le maître d'hôtel n'a pas fait de commentaire. Les toilettes... Oh, elles sont juste là. Et marche, marche lentement, Marga. Dans 2 minutes, tu auras remis ta tenue occidentale. Oublié pour quelques heures, Zainab Bet Maxim. La quarantaine rayonnante, impeccablement maquillée, sourcils épilés et sautoir de perles, la comtesse Marga d'Andurin rejoint son fils sur la terrasse du Grand Café. Elle tient à la main un joli sac en cuir dans lequel elle a remisé son abaya noir. Bonjour, mon chéri. Maman. Moi. C'est drôle, je viens de voir passer une femme musulmane avec le même sac en cuir que vous. Sûrement la femme d'un émir ou une star de cinéma incognito. Sûrement. Garçon, un verre de blanc bien sec, s'il vous plaît. Comment va papa et l'hôtel ? Très bien. Et comme d'habitude, ton père a fait preuve d'une grande ouverture d'esprit quand je lui ai fait part de ma nouvelle lubie. Je vais à la Mecque. C'est une image, je suppose. Non. Comment ça ? Voilà, mon chéri. Comment ça se passe, tes études ? Tu es content ? Ça va, c'est intéressant. Et pourquoi la Mecque, maman ? Mon but véritable est d'aller pêcher des perles au Bahreïn dans le golfe Persique. Les nakoudas sur leur sambouk, les pêcheurs aveugles, la poésie et la dureté de la vie en mer. Et après la Mecque, je traverserai le désert à dos de chameau jusqu'à parvenir de l'autre côté, sur la côte des pirates. Et puis de là, je me rendrai au sultanat du Bahreïn. Et ensuite, j'écrirai mes aventures. Et ce projet vous semble réaliste, maman ? Oh, évidemment, Jacques. Mais l'Arabie Saoudite est interdite aux infidèles sous peine de mort. Son roi, le terrible guerrier Ibn Seoud, déteste tout ce qui vient de l'Occident. Oui, oui, c'est pourquoi je ne suis plus une Roumie comme vous autres. Vous. Regarde. La musulmane que tu as vue passer tout à l'heure avec ce sac. C'était moi. Je me suis convertie. On m'a fait les 4 vaccins obligatoires en une seule injection. Typhus, peste, variole et choléra. Et puis je me suis trouvé un époux pour m'accompagner. Un époux ? Et papa n'a rien trouvé à dire. Il est admirable. Et qui est donc mon beau-père ? Il s'appelle Soleiman Eldekmari. Bon, je n'ai peut-être pas choisi le plus spirituel, mais il me craint. Et la nuit, il se couvre de son keffieh et rabat les couvertures sur son visage. Au cas où il y aurait une tempête de sable. Parce que vous dormez dans la même chambre. Mais naturellement, Jacques. Soleiman est un gentil garçon qui m'a même confié qu'il était vierge. Donc vous ne... Ah non, non. Ah et quand vous serez au milieu du désert d'Arabie, vous croyez qu'il va continuer à être gentil ? Mais oui, tout est prévu. Il sera payé que si je rentre saine et sauve. Alors on divorcera et tout rentrera dans la norme. Et puis je lui offrirai d'autres épouses dans le Nedj. D'accord, maman. Mais je vous rappelle que c'est à moi de faire des bêtises. C'est de mon âge. Parce que tu ne trouves pas mon projet formidable ? Si. Alors ? Eh bien, à votre place, je perfectionnerai quand même mon arabe. Et j'en profiterai aussi pour me familiariser avec les rites de la Mecque. Les prières à prononcer autour de la Kaaba, comment embrasser la pierre, les ablutions, tout bon, ça. Bon, écoute, cesse de taire du mouron pour moi, mon chéri. Dis donc, si on allait t'acheter un costume, là, te fagoter comme un as de pique, là. Jacques d'Andurin, du haut de ses 20 ans, sait bien que tenter de raisonner sa mère ne sert à rien. Il a beau lui marteler qu'Ibn Seoud est un souverain wahhabite partisan d'un islam rigoriste, que les femmes dans son royaume n'ont aucun droit, même pas celui de montrer leur visage ou leurs mains en public, au risque de se voir frapper d'un coup de cravache par les vigies de la vertu, elle ne l'écoute pas. Quand Marga a quelque chose en tête... À ses yeux, le monde entier n'est qu'un vaste terrain de jeu qui n'attendrait que sa venue. Et elle n'a même pas songé à se procurer une carte de l'Arabie Saoudite. Tenez, maman. Oh, merci, mon chat. Oh, mais cette carte est magnifique. Je ne m'en séparerai sous aucun prétexte. Bon, ben voilà, j'ai presque tout. Hein, mon petit cahier rouge pour noter mes impressions. Ah, il me manque juste quelques cachets. De la calmine, je présume. Évidemment. Je ne peux pas vivre sans mes cachets de calmine. Ça guérit tout. La tête, le corps, l'esprit. Mais je voudrais aussi prendre du poison. Et... Quoi ? Bonjour, monsieur Gamayel. Bonjour, comtesse. Bonjour. Il me faudrait 10 boîtes de calmine. 10 ? Oui, j'en donne à tous les clients aux Zénobies et même aux Bédouins. Ah, bravo ! Et en plus, c'est inoffensif. Oui. Ah, mettez-moi aussi des purgatifs. Du stipatol ? Une boîte ? Très bien. Ça sera tout ? Ah, non, il me faudrait aussi du poison. Vous pourriez m'en procurer ? Du poison, comtesse ? C'est pour un chien. Pour Nel. Ah bon ? Le pauvre est devenu très méchant. Il a déjà mordu le capitaine Bouteille de la garnison française. Je l'ai attaché à un piquet, mais il effraie tous les carabiniers et les clients. Ah, imaginez qu'il enlève un bout de fesse à Alphonse XIII d'Espagne, au directeur des Antiquités ou à la reine de Roumanie. Un gros chien, vous dites ? J'ai bien un peu d'arsenic dans mon officine, mais il faudra faire attention, comtesse. Une dose pareille, ça peut vous tuer un homme. J'en ferai bon usage, monsieur Gemayel. Nel ? Il a été abattu il y a 5 ans, maman. Pas du tout, Jeanne, pas du tout. Voilà, ça vous fera 60 francs tout rond. Merci, monsieur Gemayel. Marga d'Endurin fait promettre à son fils de ne parler de son projet à personne. Et le fils, soumis, promet. Sa mère, son poison en poche, le raccompagne aux portes de son internat, puis disparaît de sa vue. Cette femme insaisissable reviendra-t-elle un jour ? Marga d'Endurin s'enfonce dans la ville arabe et quitte bientôt Beyrouth pour Suez, où elle s'embarque avec son nouveau mari à bord du Dandolo. Le cargo appareille le 9 avril 1933. 5 jours plus tard, il jette l'ancre au large de Jeddah sur la mer Rouge. À mesure qu'on approche, la ville se précise. De loin, on dirait une grande assiette blanche bourrée de petits cubes. Ce sont les mouches arabiers, accrochées aux façades. Derrière, les femmes, je les imagine épiant les pèlerins, soudanais, berbères, javanais, hindous, tous vêtus de leur ihram. Et moi, bientôt parmi eux, dans ma tenue réglementaire, ce grand drap blanc qui me recouvre comme un fantôme. À peine dans le port de la Mecque, à Jeddah, Marga est conduite, seule, dans les bureaux du service sanitaire. Vous êtes française ? Oui, ou plutôt je l'ai été. Mais vous parlez très bien ma langue maternelle. Que faites-vous ici ? Je viens visiter ma belle famille à Oneza. Vous comptez faire le pèlerinage ? Ce serait une grande joie pour moi d'approcher du sanctuaire d'Allah et de recevoir ses grâces. Vous voulez voir mes vaccins ? Vous voulez que je me déshabille ? Vous songez à me montrer votre corps, madame ? Et vous êtes musulmane, dites-vous ? Vous ne pouvez pas partir, madame. Pourquoi ? Votre conversion est trop récente. Il faut pratiquer 2 ans l'islam avant de prétendre au pèlerinage. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Mon mari m'avait... Ton mari est parti avec les autres pour le mont Arafat. Hein ? Mais je veux y aller aussi. C'est important pour moi. Sinon, le pèlerinage ne sera pas valide. Appelez le consulat de France et ils vont vous... Le consul de France. Zainab. Tu ne dois pas avoir de contact avec ces infidèles. Maintenant que tu es mariée, tu n'es plus française. C'est à nos lois que tu es soumise. Écoutez, monsieur Yahya, vous n'avez aucune raison de me garder ici. Mes papiers sont en règle. J'ai un mari, je suis musulmane et j'ai besoin de me reposer. Alors je vais aller à l'hôtel maintenant. Comme je viens de te le dire, ton mari est parti. Et tu ne peux pas habiter seul. Je vais te trouver une place dans un harem. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je voulais de l'aventure ? Eh bien, me voilà servi. Zainab Marga est menée sous escorte à travers un dédale de venelle en terre battue. À la porte d'un somptueux palais de la vieille ville, une flopée de domestiques l'accueille. On conduit Marga au 3e étage. Dans cette ville, tous les harems sont au 3e étage. C'est pour limiter le risque de contact avec l'autre sexe. À cette même fin, toute femme dévoilée, quand elle traverse sa maison, frappe des mains pour que les hommes aient le temps de se détourner. Dans la pièce où pénètre Marga, il n'y a aucun meuble, mais un moucharabier finement sculpté, tel ceux qu'elle a admirés depuis le port. Et sur une banquette maçonnée recouverte de tapis, une grosse dame, affalée, s'évante. Bienvenue au harem, Zineb. Je suis Seth Kibir. Ma fille est l'épouse favorite d'Ali Almani. Enta mabsout, ana mabsout. Si tu es contente, je suis contente. Ce premier jour, il ne se passe absolument rien. En fin de journée, on apporte à une Zeynab morte de faim un bouillon aigre qu'elle n'arrive pas à avaler. Elle boit du thé. Puis, elle se met dans un coin, prostrée. Fakria, la favorite, 16 ans, est déjà mère d'une fillette. Il y a aussi deux enfants plus âgés, une esclave somalienne. Toutes dorment sur le sol, enroulées dans une couverture. À 2h du matin, elles font leurs ablutions, se mettent à prier, mais Marga n'a pas la force de les imiter. Il faudrait pourtant que je prie, puisque je suis musulmane. Quand Soleiman va-t-il revenir ? Et pourquoi il est parti sans moi ? Combien de temps je vais rester ici ? Le lendemain, Kébir lui propose d'aller dans son hammam. Zineb, enta mabsout ? Tu veux te laver ? Bah d'accord, mais mange d'abord ton fatour. C'est très bon. Le fromage de chèvre, le poireau et les oignons crus. Comment peux-tu faire ça, Zineb ? Quoi, Kébir ? J'ai fait bien attention, l'eau qui m'a lavé le bas n'a pas touché le haut de mon corps. Des poils ? Tu as des poils, pubien ? C'est interdit par la religion. La foi est dans mon cœur et les poils de mon corps n'y changent rien. La loi, c'est la loi, Zineb. On a tout préparé. Entrez, les filles ! La cire est déjà chaude. Ah, vous n'allez pas faire ça, hein ? Tu ne peux pas rester impure, Zineb. Mais tu vois, c'est rien. C'est chaud. On étale la cire. Voilà. On attend qu'elle durcisse, voilà. Voilà, et puis on l'arrache. Aïe ! Oula, oulala, on a enlevé un peu de peau avec. Tu saignes, mais ça va passer. Oh, mais ça fait mal ! On dirait que tu n'as pas la même peau que nous. Oh mon Dieu, c'est pas vrai ! Et dedans, est-ce que c'est pareil ? Oh, mais ça va pas ! Aïe, elle m'a cassé le poignet ! Et la curiosité, c'est pas impur, ça ? Non, mais... Cette mésaventure pileuse donne le courage à Marga de se glisser pendant une sieste dans le salon où se trouve un téléphone. Elle réussit à joindre le consulat français. À l'autre bout du fil, une voix masculine, juvénile, lui promet de venir la sauver. Et on lui fait parvenir bientôt une invitation officielle pour le déjeuner de Pâques du consulat. Une invitation en bonne et due forme qui ne se refuse pas. Le sous-gouverneur Almani m'a permis d'y aller avec deux esclaves. L'horizon se dégage. En plus, ces filles du harem sont gentilles maintenant. Elles s'extasient sur mes travaux de broderie. J'aurais au moins appris ça chez les sœurs. Mousni ! Mousni ! Tu me prêtes ta ceinture dorée ? Au consulat, le ministre de France, Roger Maigret, reçoit Marga avec la plus grande courtoisie, mais lui conseille fermement de rentrer au plus vite en Syrie dès le retour de son mari passeport. La comtesse ne l'entend pas de cette oreille. Et les mises en garde du consul coulent sur elle comme de l'huile sur une toile cirée. Surtout qu'on la présente bientôt au fils du consul. Quel beau garçon, blond, musclé, souriant. Enchanté, comtesse. Jacques Maigret. C'est vous que j'ai eu au téléphone, n'est-ce pas ? Oui. Vous êtes donc mon sauveur. Si vous voulez. Vous aimez le foxtrot ? J'en raffole. Il a fait oublier jusqu'à son existence. Vous venez me montrer comment on le danse ? Oui. Par ici. À l'ambassade, cette enclave française aux portes de la ville de Djeddah, Marga d'Endurin oublie le harem et la loi d'Ibn Seoud. Avec sa tenue bizarre, on pourrait la croire invitée à un bal costumé sur la Riviera. Foie gras, champagne, elle veut en profiter autant qu'elle peut en attendant le retour de Souleyman. Et puis, ce jeune Jacques Maigret est attentionné. Il vient la chercher tous les jours ou presque. Alors, elle sort en courant du harem. Comme une pensionnaire qui fait le mur, à 40 ans passés, elle est ravie d'arracher, une fois dans la voiture de Jacques, sa tenue noire qui la cache entièrement, main comprise. Ensemble, ils arpentent le littoral, se cachent pour se baigner, manque même de mourir dans le désert à cause d'une panne d'essence. En un mot, ils vivent une idylle, pimentée par la fièvre de l'interdit transgressé. Et ils n'entendent pas les mises en garde du consul, qui leur répète qu'Ibn Seoud a des espions partout et qu'en cas d'infraction, c'est la loi d'Arabie Saoudite qui s'appliquera pour Marga. Zineb ! Zineb ! Ah bah c'est toi, Soleiman, tu es revenu ? Tu m'as déshonoré. Le roi m'a fait appeler pour me reprocher ta conduite. Il dit que je t'ai baigné avec un homme. C'est complètement faux. Et pourquoi tu es parti en me laissant là? C'était un ordre. On m'a dit que tu étais en sécurité au harem. Tu ne peux plus rester ici après ce que tu as fait. Très bien. On m'a parlé d'un hôtel qui vient d'ouvrir. Pas d'hôtel. Je veux louer une maison. Ma maison. Je suis Hej maintenant. Pourquoi pas, Sulaiman? Mais ne t'énerve pas comme ça. Hein, je prépare mes affaires et tu repasses me chercher dès que tu as trouvé un logement. Tu as pu obtenir notre passeport pour aller dans le Nedj? Pas encore. Mais je t'interdis de sortir avec des Français. Tu m'entends? Oui, Sulaiman. Regarde, toi, tu vas prendre un petit peu de calmine. Hein, ça va te faire du bien. Voilà. Il en reste encore, tiens. Beslama, Zineb. Je t'en prie. Arman, ah. Lofi, venez. Conduisez-moi à l'hôtel Majid. Soleiman me rejoindra. Il y a encore ça. Dans ce royaume où l'Européen n'a pas droit de citer, Soleiman a perdu sa docilité. Il est le patron désormais. Et Marga d'Endurin, une femme sous tutelle. Une inversion des rapports de force difficilement supportable. Un hôtel avec un lit. Quel luxe! Aussitôt installée, Marga avertit son jeune ami, le fils du consul, de sa nouvelle adresse. Jacques Maigret accourt et s'introduit dans la chambre de sa maîtresse, à l'insu du personnel. Il est presque minuit. C'est bizarre, Soleiman n'a pas reparu. Oui. En même temps, c'est comme s'il nous faisait un cadeau. Le cadeau d'une nuit supplémentaire. Il faudrait pas qu'il me trouve ici. L'autre jour, j'ai vu ce qu'ils ont fait à un type coupable d'adultère. Ils lui ont attaché les bras à la queue d'un cheval et... Chut, tu veux pas savoir. Ouvre! Ouvre! Police! Ouvre! Je suis le chef de police! Les hommes vont défoncer la porte, Zeynep! Ça a l'air sérieux, non? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi me déranger pendant mon sommeil? Sulaiman est mort! Hein? Cache-toi sous le lit, vite! Ouvre! Il a dit que tu l'as tué. Mais je l'ai attendu toute la journée. On va fouiller ta chambre. Oui, bah demain, monsieur le chef de police, demain. Demain? Si tu veux, Zeynep. Je garde ta chambre et toi, tu te reposes parce qu'à l'aube, on te conduit à la prison. Jacques, il s'est assis devant la porte et il a mis des gardes devant la fenêtre. J'ai un couteau, je peux les attaquer. Mais ça va pas? Ils sont armés jusqu'aux dents. On va essayer le bakchich. Venez, j'ai quelque chose à vous dire. Regarde, il y a quelqu'un ici. Quoi? Tu es avec un homme? Honte sur vous! C'est le fils du consul de France. Il pourrait être mon fils. Il m'a aidé à m'installer. Il attendait la venue de Soleiman avec moi. Je te connais, monsieur. Oui, le fils du consul. Tu as un passeport diplomatique, alors tu peux partir. Je ne peux pas vous laisser seul, Marga. Vas-y, Jacques, puisqu'il te libère, et préviens ton consul de père. Ne vous inquiétez pas. Je veillerai sur elle comme sur ma sœur. En Arabie Saoudite, en cas de flagrant délit d'adultère, il n'est requis aucun jugement pour l'exécution de la peine de mort, qui peut être appliquée sur place. Le jeune Maigret l'a donc échappé belle. Quant à Marga, quel sort l'attend? L'aube venue, on la conduit au commissariat, une surprenante maison blanche sur pilotis rouge face à la mer. Là, l'interrogatoire, mené par le docteur Yaya, commence par le dépeçage de sa trousse de toilette. Poudre de visage, bâton de rouge à lèvres, vernis à ongles, tout y passe. On a trouvé ça. C'est le poison qui a tué Soleiman. C'est du cacao en poudre, hein. On le boit avec du lait. Vous voulez que je vous montre? Non. Et ça? Ce sont des médicaments, de la calmine et des purgatifs. Je peux tout avaler pour vous prouver mon innocence. Tes paroles sont des mensonges, Zeynep. Tu as tué Soleiman pour épouser le jeune Maigret. En Europe, il faut des mois de conversation avant d'aimer quelqu'un, avant de l'épouser aussi. Tu dis n'importe quoi. Il pourrait être mon fils. Il y a des femmes qui font des choses avec leur fils. Comment faire entendre raison à des hommes habitués à épouser des fillettes de 12 ans qu'ils n'ont jamais vues? Mais je ne vais pas me laisser faire. J'ai l'habitude des hommes arabes. Je sais leur parler. Souleyman t'a accusé avant de mourir et selon la loi du Coran, quand un moribond nomme son assassin, il n'est besoin ni de jugement, ni de témoin pour te condamner à mort. Attends. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Je meurs à cause de Zainab ou c'est Zainab qui m'a tué? Quelle différence? Une grande différence. S'il a dit qu'il mourrait à cause de moi, c'est vrai, car c'est moi qui l'ai entraîné dans ce voyage. Mais il n'a pas pu dire que je lui avais donné le poison. Tu es un bon avocat, Zainab. En tout cas, tu n'as pas l'air très affecté par la mort de ton mari. Très perspicace, monsieur Yaya, car voilà le secret. J'ai pris Soleiman seulement pour voyager. On n'a pas consommé le mariage. Ses frères et mes domestiques de Palmyre le savent et peuvent en témoigner. En France, on appelle ça un mariage blanc. D'où mon innocence. Pourquoi l'aurais-je tué? C'était moi qui commandais et on allait enfin pouvoir partir. Tu es inculpé de crime et d'adultère, Zainab. Bon, écoutez, je suis fatigué, monsieur Yaya, fatigué. Bon, ça ira pour aujourd'hui. Garde, conduisez-la à sa cellule. Lâchez-moi! Je peux marcher toute seule! Lâchez-moi! Un tombeau. Mon tombeau. Je vois dans le noir les yeux rouges des rats parmi les immondices. Et qu'est-ce que c'est sur le mur? Des cafards. Des cafards par milliers. Et au plafond, ça suinte, des gouttelettes visqueuses. Et cette odeur fétide. Et qu'est-ce que ça peut faire, puisque je vais mourir? Une femme trouvée avec un autre homme que son mari, adultère. Adultère. Et la punition, c'est la mort. Mais j'ai juste passé une soirée avec un ami, c'est très courant en France. En France? Tu n'es plus française, tu es saoudienne et musulmane. Musulmane, oui, saoudienne, non. Je ne connais pas encore votre pays et presque pas votre langue. Que tu sois coupable de crime, d'adultère ou de deux à la fois, tu vas mourir. Comment? C'est délicat à dire. Puisque c'est un déshonneur pour un arabe de trancher le cou d'une femme, on fera plutôt un simulacre. Après t'avoir fait agenouiller sur la place publique, et puis on te fera faire le tour de la ville enchaînée, et tu recevras des pierres. Les gens te lanceront des pierres jusqu'à ce que tu meures. Lapidé, pendu, la mort de Marga est bien vite annoncée dans les journaux syriens, égyptiens, italiens, anglais et même estoniens. Dans L'Orient, journal français de Beyrouth, on y lit ce gros titre en date du 12 mai 1933. La tragique odyssée de la comtesse d'Endurin. Et le quotidien précise, selon une dépêche parvenue de la Mecque, elle aurait été pendue hier dans la ville sainte. Ayant été jugée sommairement dans la matinée d'hier et condamnée à mort, elle a été pendue aussitôt. Le 12 mai. Ça fait déjà 3 semaines que je croupis en prison. Des morsures me boursouflent le corps. Rats, punaises, fourmis, cafards. Amaigris, méconnaissables, mais vivantes. Le consul Maigret est venu, distant, mais bienveillant. Il me redonne espoir. Il me dit de ne pas m'inquiéter, et je lui fais confiance. Les cachets de calmine sont envoyés au labo pour analyse. Il faut patienter. Patienter. Et attendre d'être convoqué au tribunal. Alors je vais aux toilettes le plus souvent possible. Elles sont suspendues au-dessus de la mer Rouge. Je sens le vent du large, les sirènes des bateaux, le crieur public qui hurle les horaires de départ et d'arrivée. Le 63e jour, ça y est, je vais devant le juge, le cadi du tribunal de première instance de Jeddah. Ma première sortie. Je vais plaider ma cause. Je suis prête. Il a fallu l'interrogatoire serré de Marga, entendre les témoins, le plaidoyer vibrant de l'inculpé et finalement... Acquitté. Condamné à une peine infamante. Infamante et puis c'est tout. Ni lapidé, ni rien du tout. J'ai fait 63 jours de prison et brodé 63 mouchoirs. Je suis innocente. Innocente. Merci, monsieur le cadi. Merci, monsieur le consul. Merci, cachet de calmie. Thank you. Varga d'Endurin, la comtesse qui voulait voir la Mecque de Julie Birman, avec Johanna Nizar, Marga d'Endurin, Rabah Loussif, le Cheikh Toufik, Samir Hadouche, Soleiman El Dagmari, Mahmoud Saïd, le docteur Yaya, Samira Sedira, Kébir, Julien Campagny, Jacques Maigret, Léo Grange, Jacques d'Endurin, Abel Abou Aliten, Gemayel. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Claire Levasseur et Antoine Viossa, assistant à la réalisation Félix Levacher, réalisation Baptiste Guiton. Dans quelques minutes, on continue de parler de Marga d'Endurin avec mon invitée Julie d'Endurin. Sur France Inter, Autant n'importe l'histoire. Juliette Gou réalise l'émission, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Henri Bérec. Julie d'Endurin, nous avons quitté Marga d'Endurin, donc votre grand-mère, enfin du moins la comédienne qui joue son rôle, au moment où elle est acquittée, après 63 jours dans les geôles saoudiennes. Elle a échappé de peu à la lapidation tout de même. Oui, enfin, je suis pas sûre quand même, parce qu'elle était française et c'était du devoir du consul Maigret d'intervenir. Il n'aurait jamais laissé une Française, en fait, être lapidée. D'un point de vue diplomatique, ça n'était pas possible. Donc c'est l'enquête qui a permis sa libération, ou l'intervention de l'ambassade de France, le fait qu'elle ait été acquittée d'abord? L'intervention de l'ambassade de France, à l'évidence. Oui, donc et du consul Maigret, du rôle du consul Maigret, qui a fait un travail de négociation avec Séoud, enfin avec les équipes autour de Séoud, qui n'est pas à cette époque-là le roi Séoud que l'on va connaître par la suite. Hein. C'est un petit potentat local, qui son pays c'est le Nedj, ça n'est pas encore l'Arabie Saoudite, et il n'a pas la possibilité en fait de s'opposer à la France. Alors vous, qui êtes sa petite fille, avez-vous le fin mot de l'histoire? Est-ce que c'est votre grand-mère qui a empoisonné le pauvre Soleiman, ou... Alors, ça a été de longues discussions avec mon père, hein, quand j'étais enfant, justement, pour essayer de comprendre ça. Ça a été aussi l'objet de mon travail de recherche en histoire. Je crois effectivement qu'elle a empoisonné Soleiman. Ah bon? Et parce qu'elle était arrivée à une situation de tension avec lui, qui ne laissait pas à son avis et dans la situation où elle était d'autres issues. Donc la calmine ou bien ou le l'arsenic plutôt. Donc l'arsenic. La calmine avec un peu d'arsenic. Oui, c'est ça, les deux mélangés. Donc la fiction écrite par Julie Birman s'inspire des mémoires écrites par Marga d'Andurin. Donc il y a sa conversion à l'islam, son mariage blanc à Beyrouth, donc l'achat de poison à la pharmacie, l'arrivée au port de Jeddah et quand elle est conduite aussi au harem, cette scène d'épilation pubienne. Je pense que c'est une première d'ailleurs entre parenthèses dans une fiction radiophonique. Et cette liaison avec le fils de l'ambassadeur. Est-ce que tous ces épisodes sont vrais, à votre avis ? Alors, elle le raconte dans cet ouvrage, Le Mari Passeport, qu'elle publie d'abord dans un périodique, le Courrier de Bayonne, et ensuite les différents numéros vont être réunis pour faire un ouvrage complet. Alors, elle raconte effectivement toutes ses aventures, et on n'a pas de raison de penser qu'elle a menti sur quoi que ce soit. Simplement, avec Jacques Maigret, c'est ce qui est dit dans la fiction, c'est qu'elle a une relation qui est une relation d'amitié avec lui. Peut-être un petit peu d'idylle, mais pas plus que ça. Enfin, elle est pas. C'est une femme qui vit librement, mais qui n'est pas une femme facile. Enfin, je crois qu'il faut faire la distinction entre tout ça. Et elle fait ce qu'elle veut, de toute façon. Oui, mais ça n'est pas non plus une nymphomane. Enfin, elle a été présentée dans certains cas comme une nymphomane. Mmh. Ça n'est pas du tout une nymphomane. Elle a eu quelques aventures extra-conjugales, mais pas plus. À un moment dans la fiction, Marga dit que tout cela est un jeu, que la vie pour elle est un terrain de jeu. Que faut-il penser de cette femme ? Est-ce que c'est une écervelée irresponsable, une espèce de bourgeoise qui chercherait à tuer l'ennui comme ça, en prenant des risques inconsidérés, voire même en tuant ? Ou est-ce que c'est une femme libre qui a envie de vivre à sa guise, qui veut vivre l'aventure, découvrir le monde, et quels que soient les préjugés ? Alors, je crois que profondément, c'est une femme libre et qui a conscience, en fait, qu'elle doit conquérir sa liberté, qu'elle doit la conquérir sur les hommes. Elle est vraiment dans une démarche féministe, sans le dire véritablement. Elle n'est pas dans une revendication féministe comme d'autres ont pu le faire, mais dans sa vie quotidienne, elle ne veut pas se laisser imposer des choses par des hommes. Et elle est accompagnée par son mari, en fait, dans cette démarche, qui la soutient, qui la trouve drôle et qui s'amuse, en fait, aussi de sa façon de vivre, de sa façon de se comporter. Donc je crois que elle n'est pas irresponsable. Alors l'aventure en revanche est une aventure ratée du début jusqu'à la fin. Et quand on lit Le Mari Passeport, on voit bien que c'est grotesque du début jusqu'à la fin. Mais elle a quand même eu de la chance de s'en sortir. Oui, mais encore une fois, les relations diplomatiques du temps font que elle n'aurait pas pu être lapidée, ça aurait fait un trop gros scandale entre Séoud et la France. La France est un pays à ce moment-là immense par rapport à ce qu'est le petit territoire du Nedj. Quelle va être la vie de Marga d'Andurin après cet épisode saoudien ? Alors, Marga d'Andurin devient quand même une épine dans le pied du Quai d'Orsay quand même à ce moment-là, et elle est renvoyée en France en 1934 avec ordre de ne pas repartir au Moyen-Orient. Et elle finit par repartir en Syrie. Et c'est là aussi que sa famille, et en l'occurrence son fils Jacques, apprend qu'elle avait divorcé avec son mari depuis longtemps. Et Jacques va demander en fait à sa mère de se remarier avec son père. Donc elle se remarie avec Pierre en 1936 et puis elle reprend sa vie d'autrefois. Voilà. Et là, le drame réapparaît dans sa vie en 1936. Donc c'est son mari, Pierre, qui meurt, assassiné, elle n'y est pour rien ? Alors, très vraisemblablement, là, elle n'est pour rien dans cet assassinat. Il est assassiné de plusieurs coups de couteau par un bédouin. Alors, il y a différentes interprétations sur les raisons du meurtre. Meurtre pour le voler, il avait toujours des fortes sommes d'argent sur lui. Meurtre pour se venger aussi de l'affaire de la Mecque. Donc Marga d'Andurin va rentrer en France, cette fois en 1938, avec son fils Jacques. Et que va-t-elle faire pendant la Seconde Guerre mondiale ? Alors, elle ne rentre pas tout de suite en France. Elle reste à Beyrouth jusqu'en 38-39. Et puis, donc effectivement, au moment de la guerre, elle est en France. Alors, elle décide d'emblée, en fait, de ne pas faire ce qu'elle avait fait pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire de ne pas attendre que les choses se passent et de s'enrichir. Donc, clairement, elle entre dans une démarche de marché noir. Elle demande à son fils de l'accompagner. Et son fils est dans d'autres problématiques qui sont celles du communisme. Voilà, donc ils se séparent. Mais elle s'en sort plutôt très bien pendant la guerre. Et marché noir avec les Allemands. Marché noir avec les Allemands, avec les Français, avec tous ceux qui veulent bien commercer avec elle. Mais elle finit par être en danger à partir de 43 et elle est obligée en fait de partir à Alger. Alors elle est très proche d'Emmanuel Dacier de la Vigerie, de Grèce d'Astier. Le résistant. Voilà. Et donc, elle rejoint Alger et l'entourage de De Gaulle très vite à partir de 43. Il y a une anecdote que vous racontez, Julie, dans Durin, une chose assez extraordinaire qui m'a surprise, c'est que vous dites que son pistolet, son petit 6-35, a servi à abattre le militaire allemand au fameux attentat du 21 août 1941 au métro Barbès. C'est l'attentat qui marque le début de la résistance communiste armée. Qu'est-ce que ça veut dire? Marga Dandurin avait des sympathies pour les communistes ou c'était son fils? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, un petit 6-35, c'est une arme de femme, surtout, il faut partir de là. C'est surtout, en fait, le contexte du début de la résistance en France et de la guerre. Effectivement, Jacques Dandurin, donc son fils cadet, est devenu communiste déjà depuis plusieurs années. Il est proche de Fabien, de celui qu'on va appeler Fabien. Colonel Fabien. Et ils sont à la recherche d'armes. Et c'est, en fait, en subtilisant l'arme de sa mère qu'il va donner cette arme à Fabien qui va servir, effectivement, pour l'attentat du métro Barbès. En 1946, je l'ai évoqué en tout début d'émission, Marga Dandurin est arrêtée et inculpée pour le meurtre, cette fois, de son filleul, soupçonné d'empoisonnement. On lit dans la presse des choses assez terribles. Par exemple, cette phrase qui serait drôle si elle ne faisait frémir. Sur un ticket de métro, son filleul avait écrit « Marga m'a donné un bonbon qui avait un drôle de goût, il devait succomber 3 jours plus tard. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle a empoisonné son filleul? Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé et s'il n'y avait pas eu l'affaire de la Mecque, peut-être que Raymond n'aurait pas imaginé avoir été empoisonné par Marga, donc c'est très compliqué. Ils avaient des relations qui étaient très fortes au début, puis qui se sont tendues sur une histoire familiale. De là à dire que Marga l'avait empoisonné, qu'elle avait eu besoin de l'empoisonner, moi j'en suis pas si sûre que ça. Elle a été acquittée de toute façon. Elle a été acquittée. Mais elle meurt en 1948, 2 ans après, de manière tragique. Alors voilà, l'affaire s'arrête avec sa disparition tragique. Elle est assassinée sur son bateau. Elle avait un yacht. Elle circulait en Méditerranée. On disait qu'elle trafiquait de l'or, de la poudre d'or et des cigarettes et peut-être des armes en Méditerranée. Et elle est tuée sur son bateau par le gars qui s'occupait du bateau et qui se débarrasse du corps en le jetant à la mer. Le corps n'a jamais été retrouvé, donc on n'a jamais su véritablement ce qui s'était passé. Et donc ça fait pour mon père Jacques, eh bien, un père assassiné, une mère disparue aussi tragiquement, et ça a été très lourd à porter pour lui tout au long de sa vie. Est-ce qu'il a lu votre mémoire de maîtrise, votre père? Oui, il l'avait lu, il l'avait trouvé très bien, et il l'avait dit et écrit. Merci beaucoup Julie Dandurin d'être venue nous parler donc de votre grand-mère, cette femme étonnante. Pour en savoir plus sur elle, on peut lire son livre « Mon mari passeport » et celui de son fils, donc Jacques Dandurin, « Drôle de mère », tous deux disponibles aux éditions In Libro Veritas. Et un article de vous, donc Julie Dandurin, « Marga Dandurin, une occidentale d'avant-garde en Orient », disponible sur Internet. Je signale également le roman « Boussole » où son auteur Mathias Hénard fait apparaître le personnage de Marga Dandurin, c'est chez Actes Sud, et de Julie Birman, l'auteur de la fiction, on peut lire sa BD « Pablo l'intégrale » chez Dargaud. Autant en emporter l'histoire est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission, bien sûr, sur le site franceinter.fr, où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons au Mexique, à la rencontre d'une autre femme d'exception, l'artiste Frida Kahlo, lorsqu'en 1937, avec son mari, le peintre Diego Rivera, ils offrent l'hospitalité à Léon et à Natalia Trotsky. Une amitié érotique va naître entre la peintre et le révolutionnaire russe, pourchassé par Staline. Frida Kahlo et Léon Trotsky, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Mais dans quelques minutes, après le flash, ne manquez pas Soro Solo dans l'Afrique en solo. Excellente soirée sur France Inter.